Electrabel. La première. Il est 17h. Ah, je voulais dire 16h en fait. Bonjour. Pour vous informer, Marie Van Kutsem. Bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans le dossier du survol de Bruxelles. La région bruxelloise intente 3 actions en cessation environnementale devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours à la justice donc pour secouer le cocotier. La ministre bruxelloise de l'Environnement déplore qu'il n'y ait aucune concertation dans ce dossier depuis presque 2 ans. Alors que demande exactement la région bruxelloise? Qu'y a-t-il derrière ces 3 actions? Céline Frémaux au micro de Myriam Ball. Par rapport à la route du canal, où l'on sait que nous avons entre 52 et 54% de violations qui sont constatées, c'est une route qui survole 400 000 Bruxellois. La deuxième chose, c'est effectivement de pouvoir demander l'allongement de la nuit, puisque sur la tranche 6-7 heures du matin, qui concerne l'ensemble des communes bruxelloises, on a plus de 80% des avions qui sont aussi en violation des normes de bruit, et puis une action spécifique sur l'Est, pour faire respecter une approche équilibrée. Est-ce que vous passez par la justice parce que le reste n'a pas fonctionné? Écoutez, depuis près de 2 ans maintenant, je n'ai cessé de réclamer la mise en place de groupes de travail avec les différentes régions. Force est de constater que mes appels ont été vains. Et donc, avec le gouvernement bruxellois, nous avons décidé donc de passer aux actions sur le plan judiciaire. Et la ministre bruxelloise de l'Environnement appelle les communes et les associations de riverains à se joindre à ces actions en justice. La méthode s'est déjà montrée efficace. C'était une action semblable qui avait provoqué la suspension du plan Watley en 2014 et certains changements de routes aériennes. Aucun accord à la SNCB à la sortie de la réunion qui rassemblait direction et syndicats aujourd'hui. Hier pourtant, le climat a été décrit comme constructif, on parlait d'une sortie du conflit social. Cet après-midi, force est donc de constater que la réunion du jour n'a rien donné. Un préavis de grève court toujours dès lundi prochain et jusqu'au 26 juin. Nouvelle réunion prévue demain à 14h. Et si la prison de Forêt devait fermer ses portes? Cette menace en est une vraie. Cet après-midi, une visite technique des bâtiments est organisée à la demande du bourgmestre de Forêt, car ça ne va pas du tout. Des problèmes d'instabilité à cause de galeries creusées par des rats dans les sols, des fils électriques qui pendent dans les douches. La sécurité des détenus et du personnel est en jeu. Le rapport consécutif à cette visite permettra d'évaluer la situation de façon objective. Nous allons à l'aéroport de Charleroi où on inspecte chaque passeport. On prend le temps de faire les contrôles avec minutie et perfectionnisme. Il y a en fait une grève du zèle suivie par le Front commun syndical de la police qui se charge du contrôle des frontières aujourd'hui. Le retard est donc inévitable. Les policiers veulent sensibiliser les voyageurs au manque d'effectifs. Vincent Grassa, le porte-parole de l'aéroport, est joint par Luciano Arcangeli. Donc le rôle des policiers est double à l'aéroport. Dans un premier temps, ils assurent la sécurité et dans un second temps, ils permettent de contrôler les frontières donc pour sortir ou rentrer sur le territoire. L'impact de leur grève du zèle a principalement lieu au niveau du contrôle frontière départ et donc a un impact sur 8 vols étalés entre 12h et 19h. Ce sont donc 8 avions dont les passagers connaîtront des files plus longues au contrôle frontière. Donc cela implique principalement les passagers qui ont des vols hors Europe, donc extra-Schengen. Alors nous, à notre niveau, dès l'arrivée du passager à l'aéroport et le bagage enregistré, nous conseillons aux passagers de passer les contrôles sûreté afin de se rendre directement au contrôle frontière et donc d'être à temps pour les vols. BSCA comprend la situation et le manque d'effectifs. D'ailleurs, l'aéroport est déjà intervenu à plusieurs reprises auprès des organismes compétents pour manifester du manque d'effectifs policiers ici à Charleroi. Nous n'avons pas de pouvoir là-dessus, mais nous comprenons bien évidemment le mouvement, oui. On a parlé de pollution sonore avec les avions en début de journal. Parlons aussi des terribles méfaits de la pollution de l'air. L'OCDE a fait ses calculs. La pollution pourrait causer 6 à 9 millions de décès prématurés dans le monde d'ici 2060 et coûter 1% du PIB mondial. Qu'est-ce que le PIB vient faire là-dedans? Eh bien, c'est en fait le calcul de tous les congés maladie, frais médicaux ou encore la baisse des rendements agricoles qui expliquerait cette baisse du PIB. Le directeur de l'environnement à l'OCDE a insisté. Le nombre de vies courté à cause de la pollution est terrifiant et si ce n'est pas suffisant pour convaincre, eh bien ce rapport montre donc que l'inaction aura aussi un coût économique considérable. Les plus fortes hausses de mortalité dues à l'air pollué s'enregistreront en Chine, en Inde et en Corée du Sud. Enfin, le trafic de faux médicaments dans le viseur d'Interpol. Un vaste coup de filet à l'échelle mondiale a permis l'arrestation de 393 suspects. Des millions de produits potentiellement dangereux ont aussi été saisis pour une valeur de 53 millions d'euros. Il y avait de faux traitements contre le cancer, des tests défectueux pour le HIV ou le diabète, ou encore du matériel dentaire contrefait. Interpol explique que près de 700 enquêtes ont été lancées à travers le monde pour effectuer ce coup de filet. 16h04, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, Walid, c'est avec vous. Oui, effectivement, et vous serez de retour tout à l'heure à 16h30, précise, bien entendu, sinon on versera un petit euro symbolique à l'attention de nos camarades journalistes. Merci à vous d'être presque sérieux, vous écoutez la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Vous savez quoi ? Dites-moi. Je suis tarte au riz. Dario, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence ce soir. Ce soir, c'est vraiment l'attaque qui a fait la différence. Beaucoup de longs ballons depuis derrière la défense. Beaucoup de longs ballons. Votre grand-mère a trois cochons. Ma grand-mère a trois cochons. Ouais, quand papa regarde le foot, c'est vraiment pénible parce que à chaque fois, Lara va me chercher ça, Lara va, la, Naël va, Liam, c'est à chaque fois, il reste dans son fauteuil. Il... Cet homme a un enfant par télévision. Une autre étude scientifique américaine, cette fois de la Johns Hopkins University School of Medicine, s'il vous plaît, indique donc que la troisième cause de mortalité après le cancer et les maladies vasculaires, c'est l'erreur médicale. Vincent Flibussy, agiotage. Eh bien, c'est quand on braque une banque et que l'otage refuse d'ouvrir le coffre, on crie « Allez, agis, otage !» Pour le ramassage des poubelles, la CGSP veut étendre la grève à toute la Wallonie. Ah oui. Mon conseil, profitez des inondations. Les politiques français ont de l'humour. Par exemple, Ségolène Royal... L'égalité homme-femme est une condition indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique. Et pendant ce temps-là, elle rentre dans l'histoire, une première femme investie aux États-Unis. Il s'agit bien entendu d'Hillary Clinton. Mais pourtant, il y avait déjà eu Monica l'investie. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont contre la région de Hervé-Verviers à Alaska ? En tout cas, ce qui est génial, c'est que Hervé, je viens de vérifier sur Google Maps, c'est à exactement 43 km de Tihange et que l'essentiel des efforts gouvernementaux qui sont déployés dans la région en matière de sécurité concerne la sécurité alimentaire plus que nucléaire. En ce 8 juin, on célèbre la naissance de Marguerite Kleinwerk de Crayoncourt. De Crayoncourt. Happy birthday, Margaret, puisqu'elle est enterrée aux États-Unis maintenant. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. On apprenait mardi l'existence de failles dans l'application Facebook, failles qui ont permis de pirater les communications. Du coup, on comprend mieux certains messages, comme l'annonce par François Hollande que la France va mieux, ou celle de Jacqueline Galland, qui pense franchement n'avoir rien à se reprocher. On entend encore un message bizarre, celui de Marc Wilmotte, qui déclarait sur son compte Twitter « Lorsque nous arrivâmes à l'hôtel, je ne pus me retenir d'exprimer cet aphorisme, comme loin des interviews de haute tenue, un peu de vacuité intellectuelle fait du bien ». Vous avez compris, ça a été piraté. Allez, jusqu'à 17h30, ils vont exploiter les failles de l'actualité et de ceux qui la font. Voici nos 10 séqueurs de l'info. On n'a pas encore découvert la supercherie qui se cache derrière ce visage d'ange. Pierre Charette, bonjour. Bonjour, monsieur, on peut faire émission dehors. Oui, peut-être. L'impertinence ne bat pas de l'aile avec celui dont la plume de pigeon rabit l'actualité. Il s'agit de Christophe Bourdon, bonjour. Mais bonjour les amis, comment allez-vous ? Et nous allons bien. On a vite senti, tiens, le fait quand il nous a annoncé que son tout nouvel humour était en fait disponible sur lesblaguesdetoto.com. Gilles Dalle, merci bonjour. Pour ce magnifique hommage. C'est la consécration. Tiens, il n'a pas besoin de failles informatiques pour exploiter les failles de l'esprit critique des gens. C'est Vincent Flibussier. Bonjour. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Toujours de bonne humeur, notre 4x4 de la joie de vivre, Raoul Reyers. Bonjour. 4x4, j'ai 80 ans. Ouais, vous allez bien, Raoul ? Très bien, et vous ? Mais écoutez, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais écoutez, moi aussi. J'espère que vous serez là demain. Plaisir de vous voir. Que et de après civilité. Demain. Et après-demain. J'espère que vous resterez là. Ad vitam aeternam. Advienne que pourra. Tiens, pour avoir une émission sans faille, on n'a pas besoin de codage, de cryptage et autres systèmes de sécurité. On a juste besoin de leurs compétences. Et Bawadine à la réalisation et Clément Delpouve à la préparation de cette émission. Merci à vous d'être presque sérieux comme nos chroniqueurs. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rions. Bienvenue. C'est presque sérieux. Sur la première. Nous recevrons Jean-Louis Debré pour Ce que je ne pouvais pas dire, un livre que je vous recommande si vous êtes fan des coulisses du pouvoir. Parce qu'il y a des anecdotes. Ah, alors là, c'est croustillant. Honnêtement, c'est ce que je disais il y a quelques semaines maintenant, c'est un de mes coups de cœur. Voilà, parce est-ce que vous l'avez lu autant que le livre de Sophie Favier ? Alors, Sophie Favier, j'ai pas menti, j'ai dit que je l'avais pas lu. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'elle vous avait menacé. Mais ici, Debré, c'est. Donc attendez, vous avez le choix entre un bouquin de Favier et de Debré, vous lisez le bouquin de Debré. Vous n'avez pas le sens des priorités, mon garçon. Mais écoutez, voilà, chacun son truc. En tout cas, c'est des deux quand même. C'est un bouquin que je vous offrirai aux éditions Robert Laffont et vous découvrirez effectivement l'antre et les secrets du pouvoir. Il parle enfin et il viendra faire quelques petites révélations, ou presque, hein, parce qu'il parle à demi-mot, hein, il a encore un droit de réserve, il peut pas tout dire. J'aurais préféré découvrir l'antre de Sophie Favier. Oui, bah écoutez, hein, il fallait être là, mon cher ami, il fallait être là. Je sais, mais pas invité. En attendant, et avant de recevoir Jean-Louis Debré, on abordera pas mal de thèmes durant cette heure et demie, presque sérieuse, la succession de Jean-Jacques Goldman à la tête des Enfoirés. On aura une interview sans concession de notre invité Jean-Louis Debré et autre interview exclusive, celle de notre premier, oui, Charles Michel. Et si vous voulez repartir avec des cadeaux, bien c'est le moment ou jamais de vous inscrire et d'envoyer donc ces fameuses trois lettres CPS pour C'est presque sérieux, 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et on vous offrira justement ce bouquin de Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire. On vous offre ce livre. C'est le livre donc de l'ancien ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale qui sera donc notre invité aujourd'hui. Et l'actualité s'invite sans plus attendre. La voici, voici la une du jour. C'est la une. Alors, deux infos, deux actualités que nous recherchons. Et je préviens déjà Bawan, il y a un petit transfert au niveau des deux chroniques. C'est avec Gilles Dalle que nous allons commencer et avec Pierre Charette que nous allons terminer au niveau des sons. Comme ça, tout est prévu. On fait notre petite cuisine intérieure. Non, mais je préviens parce que j'ai Pierre Charette qui arrive. Qui n'a pas fini. Est-ce que tu penses que je peux passer en dernier? Non, mais en deuxième, c'est bien. Hein. Non, en troisième, c'est bon. Dites vraiment, quoi? Troisième, alors? Troisième. Vous passez en dernier. Allez. Je préviens que moi, c'est une chronique avec Jean-Louis Debré, donc s'il n'est pas là, je passe en dernier. Je peux l'interpréter avec maestria. C'est pas faux. En attendant, écoutez les deux extraits que voici et tentez de découvrir les actualités que nous recherchons. Ah. J'adore. Tout le monde s'éclate. Mais la houppette, la houppette, la houppette, la houppette, la houppette, la houppette. Ça faisait longtemps. Alors, deux morceaux, Les Snuls avec la houppette Tintin et l'orchestre du Splendide avec Radio Pirate. C'est avec ça que nous entamons l'émission. C'est parti, à votre avis. Alors, il n'est pas question de radio, mais de pirate. Pirate informatique. La chanteuse Cœur de Pirate. Cœur de Pirate. Non, non. Le lien avec l'informatique ? Je ne sais pas. Le site internet de la chanteuse Cœur de Pirate. Ah non, mais on parle de site internet. C'est le site internet de Castorama qui a été piraté. Absolument. C'est Taxon Web. C'est Taxon Web, effectivement. Le site Taxon Web a été bloqué hier par des pirates informatiques. C'est ce qu'a annoncé le Service public fédéral des finances. L'attaque a été revendiquée sur le réseau social Twitter par le collectif DownSec en pleine guérilla, donc selon leurs termes. Souvenez-vous également, dimanche passé, DownSec avait aussi bloqué le site web du Sénat en protestation contre le projet du ministre de l'Emploi Chris Peters, afin donc d'assouplir le temps de travail. Le mois précédent, c'était le site de Charles Michel, le site du Premier ministre qui avait été frappé, celui de la Maison Royale et de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Bref, il s'attaque à tout le monde. Et Castorama, dont parlait Vincent, là, vous alliez chercher une armoire ou un outil et vous tombiez sur un site olé olé ou alors autre chose. Non, c'était dans le moteur de recherche, en fait, complétait automatiquement ce que vous mettiez. Donc si vous recherchiez tournevis, c'était tournevis pour l'enfoncer dans sa fille. Oh non, non. C'était des trucs comme ça. Oui, mais il y avait aussi parfois... Mais c'était du piratage de très très haut niveau parce qu'ils ont vraiment dû s'embêter à chaque truc complété par des trucs très... Donc tiens, d'où provient le terme bug informatique? C'est les bugs, c'est les insectes qui allaient s'écraser sur les cartes mères et du coup... Effectivement. Notre pic de la Mirandole, un puits de science. Si on parle effectivement de bug informatique, bug en anglais qui se traduit par insecte, c'est parce que dans les années 40, à l'époque où les ordinateurs étaient volumineux et fonctionnaient avec des ampoules, et bien la chaleur attirait les fameux insectes, notamment des cafards qui développaient donc de vraies colonies dans ces ordinateurs et occasionnaient des malfonctions. Donc voilà pourquoi on parle de bug. Deuxième extrait, deuxième info. La houppette, ça a un rapport avec des gaz. C'est un rapport avec les gaz. Ouais, la houppette. Ah, ben non. Excellent. Non. Excusez-moi. Humour de bonne alloi de la première. Ouais. Non, c'est un rapport avec Tintin, évidemment. Ou avec la coiffure. Avec la coiffure. Avec Tintin. Un rapport avec les droits de Tintin. Avec les droits de Tintin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'appartiennent pas à Moulinsart. Et ils vont devoir passer à la caisse dans du coup. Dans ton Rodwell. La cour effectivement de l'AE a donné finalement raison à l'association RG Knotskap ce week-end dans l'affaire qui l'opposait à la société Moulinsart. La cour de l'AE a estimé que la maison d'édition ne devait rien réclamer à l'association RG Knotskap qui publie donc des articles illustrés de vignettes des aventures du reporter à la houppette blonde. Un jugement qui devrait faire donc jurisprudence puisque ce n'est pas la première fois que les éditions traînent des tintinophiles devant la justice. En mai dernier, un Tumblr, le petit 21e, avait été supprimé à la suite d'une plainte de Moulinsart, la Digital Millennium Copyright. Et donc du coup, maintenant, ceux qui avaient dû passer à la caisse et payer Moulinsart... Mais est-ce qu'il y a jurisprudence? Ah oui, bah écoutez, là, pour le coup, voilà, un événement qui change considérablement la donne. Wow. Les tintinophiles qui se sont vus réclamer de l'argent pour l'utilisation de vignettes des albums d'Hergé à travers le monde, eh bien pourront réclamer le remboursement de droits d'auteur, ce qui risque de coûter très cher à la société Moulinsart. Pareil qu'on a vu Nick Rodwell avec une grosse valise à Blue Boys. Tiens, écoutez ceci. C'est Florence Foster Jenkins. Effectivement. La plus mauvaise chanteuse du monde. Oui. Il y a un film de Stephen Frears. Non, ça, c'est l'enregistrement de du film Marguerite. Non, non, non, non, c'est Florence Foster Jenkins. Il y a un film avec Meryl Streep qui va sortir. Qui a inspiré qui? J'ai pour la Castafiore. Eh ben oui, ah voilà. Oui. La Castafiore présente dans les aventures de Tintin a véritablement existé et donc il s'est inspiré de Florence Foster Jenkins qui était une soprano du 19e persuadée d'être exceptionnelle alors qu'elle chantait très mal. Elle a repris les œuvres de Mozart ou de Strauss sans jamais réussir à chanter juste. La preuve, allez, montez. Monte le son. Attention, le meilleur moment. C'est le... qui est juste exceptionnel, attention. Moi j'aime encore bien. Ouais, c'est pas si mal. Ouais. Et il paraît que c'est son mari qui payait les cours de chant et tout ça, parce que ça le faisait marrer, il invitait ses amis. Ah, il se foutait de la balle de sa femme. C'est le dîner de con, mais avec sa propre femme. Effectivement, il organisait des concerts. Comme le dit Christophe, il y a un biopic avec Meryl Streep qui va sortir, mais. Avec Catherine Froh aussi. Avec Catherine Froh, Marguerite qui est sortie l'an passé, c'est quasiment l'histoire. Marguerite est inspirée, c'est ça. Le film est très très très bien. Allez, 16h16, on va poursuivre l'aventure presque sérieuse avant de recevoir un de nos coups de cœur. En tout cas, un de mes coups de cœur littéraires, on apprend pas mal de choses. Les coulisses du pouvoir, Jean-Louis Debré, ce que je ne pouvais pas dire aux éditions Robert Laffont, ouvrage que nous allons vous offrir si vous vous inscrivez en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message. On joue ensemble au qui a dit et vous repartirez avec ce bouquin. On vous fera bien entendu des propositions. Et la phrase du jour, je sens que vous voulez avoir cette phrase du jour. Vous voulez entendre cette phrase. Vous voulez savoir. Moi je veux la surprise. Hein, vous voulez la surprise? Oui, allez. Allez, joue. Sinon, ils vont aller voir sur internet, c'est trop facile. Non, parce que personne ne pourra trouver. Ah, ça va. Ouais, qui aurait pu dire il est au-dessus du lot? Il est au-dessus du lot. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, si vous pensez le savoir ou si vous avez envie de jouer avec nous, c'est le moment ou jamais de vous inscrire. Vous envoyez ces trois lettres CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes. Et dans la suite, eh bien, on va parler d'une interview exclusive, celle de Charles Michel. C'est dans la suite de C'est presque sérieux. Comme chef du gouvernement, je suis impliqué très personnellement pour donner une chance à la concertation sociale. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Chez O'Green, de jeudi à dimanche, toute la journée. Profitez de moins 20 à moins 50% sur tous les articles en stock. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions en magasin. Ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. O-Green.eu. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, ça, on est fou. On part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Qui veut du gâteau? Moi. Moi aussi. Ce que vous entendez, c'est une réunion de copropriétaires qui se passe bien. Non, ça n'a rien d'incroyable. Parce qu'en 2016, les primes énergie ont augmenté et se sont simplifiées pour les copropriétés. Et elles restent aussi alléchantes pour les autres Bruxellois. Alors n'attendez pas l'hiver pour demander des primes énergie. Toutes les infos sur environnement.brussels ou au 02 775 75 75. Chaque geste compte quand on est plus d'un million de Bruxellois. Actuellement, 25% de réduction sur toutes les litières pour chats AVV. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. La première, Mobile Info. Et à 16h presque 20, retrouvons Adrien Demey. Bonjour Adrien. Bonjour Walid, bonjour à tous. Alors, c'est le moment de sortir les décapotables. Oui, on pourrait, mais sachez tout de même qu'il y a quelques embarras. Oh non. En certains endroits, non, bah oui. Non. Est-ce qu'il y a un chien sur la route? Pas encore, le vôtre tout à l'heure. Alors que se passe-t-il justement sur nos routes, Adrien? Eh bien, sur le 411, c'est enfin dégagé dans le secteur de Spontin, en direction de Namur. Il y avait un accident à Spontin et un suraccident à hauteur d'Achène. Les deux entraves sont libérés à cette heure-ci. Le temps, évidemment, que les fils se résorbent dans ce secteur. C'est en direction de Namur. Sur la 54, le trafic ralentit à hauteur du chantier de Petit-Reux vers Nivelles en amont à partir de Lutre où ça ralentit donc sur 2 bons kilomètres. Par ailleurs, sur la N4 entre Bruxelles et Namur, il y a un accident à hauteur de La Bruyère. 2 voies sont entravées, une entrave importante donc. C'est en direction de Namur. Sur le ring de la capitale, un survol des retards les plus conséquents comptait une vingtaine de minutes supplémentaires entre Zaventem et Grand Bigard ainsi qu'entre Zaventem et le Carrefour Léonard et puis cette quinzaine de minutes en plus également sur le tronçon Grand Bigard-Zaventem. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. On s'informe à 16h30, le top 3 de Raoul Reyers. Mais auparavant, eh bien, cette semaine, Gilles Dalle, vous recevez Charles Michel dans notre studio exceptionnel, exclusif. C'est l'anniversaire de Gilles, j'ai un cadeau pour lui, je lui offre en direct. Oh, une boîte en carton. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, oh, Gilles? Oh, mais c'est magnifique. De alors, quoi s'agit-il? Une salade de fruits. Une salade de fruits de la cafétéria. Et je propose que pour son nouvel humour, il fasse sa chronique en mangeant la salade de fruits. Ça ferait trop de nouveautés en une fois. Parce que là, c'est tellement nouveau que. Bon. J'aurais essayé. Gilles, justement, Charles Michel. Dans oui. notre studio pour évoquer avec lui les tensions sociales qui agitent notre pays. En effet, alors il y en a qui pourraient croire que ça va être un sketch, mais pas du tout. C'est une vraie interview de Charles Michel. Et bon anniversaire. Merci beaucoup, Walid. Merci, chers amis. Nous avons donc le privilège de recevoir en studio notre Premier ministre, qui a donc choisi notre émission, c'est presque sérieux, pour s'exprimer sur les tensions sociales qui secouent notre pays. En effet, après le mouvement de grogne des gardiens de prison, des magistrats, des cheminots, des conducteurs des techs, des sapeurs-pompiers, des coiffeurs, des urologues, des bouchers charcutiers, des pizzaïolos, des architectes d'intérieur, des géomètres experts, des chauffagistes, des automobilistes, des ambidex, des princes de sang royal, des mocassins à glands et des moumoutes de travers, ce sont à présent les ébénistes, les kinésithérapeutes et les violoncellistes qui ont déposé à leur tour un préavis de grève avant d'être suivis sans doute la semaine prochaine par les boulangers, les coloristes, les entrepreneurs du bâtiment, les imitateurs de Bourville, les voisins chiants, ainsi que les cousins à qui on n'a rien à dire. Alors bon, monsieur Michel, dites-nous, ça fait quand même beaucoup de mécontentement là, non? Oui, mais je me permettrai d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire. Écoutez, non, je ne dirai pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre la voie des réformes nécessaires. Mais non, d'accord, mais je ne suis pas là pour juger ou pour prendre parti. Je veux juste dire que ça fait quand même beaucoup de professions et de catégories de la population qui expriment, à tort ou à raison, leur mécontentement à l'encontre de la politique que vous menez. Écoutez, non, pas du tout. Les réparateurs de vélos ne sont pas en grève, que je sache. Mais ça, vous vous gardez bien de le souligner, comme par hasard. Non, mais comprenez-moi bien, je n'ai pas dit que tout le monde était vent debout contre votre politique, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de monde. Écoutez, non, je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre les voies des réformes nécessaires. Non, mais écoutez, arrêtez maintenant. Vous pouvez dire que ces mouvements de grogne sont infondés, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas nombreux. Hein. Admettez au moins qu'ils sont nombreux. Écoutez, non, je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre la voie des réformes nécessaires. D'ailleurs, ni les tatamis, ni les saucissons secs ne sont en grève, à ce que je sache. Hein. Mais ça, vous vous gardez bien de le souligner, comme par hasard. Mais écoutez, à propos de vos mesures d'austérité que certains remettent en question, mais que d'autres défendent, je ne dis pas. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a un travail de pédagogie à effectuer pour mieux les faire passer? Écoutez, non, je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre la voie des réformes nécessaires. Écoutez, on va arriver à rien dans cette interview. Écoutez, non, je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre les voies des réformes nécessaires. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. On dirait un vieux disque tout rouillé. C'est pas possible. Alors bon, ce que je vais faire, je vais maintenant arrêter les questions précises et je vais vous demander tout simplement quelle est votre vision globale pour notre pays, comment vous voyez l'avenir faire et puis quelle est votre priorité ? Alors ma priorité c'est l'enseignement, mais c'est aussi la justice, mais c'est aussi la recherche, mais c'est aussi le vivre ensemble, mais c'est aussi la lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi la lutte contre l'exclusion, mais c'est aussi la lutte contre le chômage, mais c'est aussi la lutte contre le racisme, mais c'est aussi la lutte contre l'esclavage moderne, mais c'est aussi la lutte contre l'intolérance, mais c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Non, mais écoutez, aussi... je vous arrête parce que s'il y a 120 000 priorités, ce ne sont plus des priorités. Hein. Donc si vous ne deviez avoir qu'une seule priorité. Quel acteur. Faire rentrer notre pays de plein pied dans la modernité. Ok, excellente idée, mais comment ? Là, on n'a pas le temps. Hein. Ah, mais non, mais ça, c'est aux journalistes de dire qu'on n'a pas le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas à vous de dire qu'on n'a pas le temps. Là, on a tout à fait le temps. Alors expliquez-nous, comment comptez-vous faire pour faire rentrer notre pays dans la modernité, concrètement ? Eh bien, concrètement, je dirais qu'il faut garder le cap et poursuivre la voie des réformes nécessaires. Mais comment faire ? En gardant le cap et en poursuivant la voie des réformes nécessaires. Mais concrètement ? En gardant le cap concrètement et en poursuivant la voie des réformes nécessaires concrètement. Écoutez, vous n'en avez pas marre de tous ces mots creux ? Écoutez, moi je ne dirais pas ça. Pour moi, l'essentiel est de garder le cap et de poursuivre des réformes nécessaires. Merci notre Premier ministre Charles Michel et Gilles Dall. Ce n'est pas un sketch. Dont c'est l'anniversaire. bel anniversaire encore. Merci Gilles beaucoup, Dall. Ouais. Très beau cadeau que vous nous faites d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à le combler de bon anniversaire, de bisous tiens, sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux à 16h25. Et eh bien, c'est l'heure du top 3 de Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Mon Raoul, trois titres que vous avez retenus pour nous aujourd'hui en numéro 3. Qu'est-ce que vous allez boire ? Une pinte de in ou une pinte de out ? Ah, j'ai mis ça, le Brexit. C'est bien, hein, ça parle du Brexit. Effectivement, la brasserie Little Valley dans le nord du Royaume-Uni a brassé 5600 litres de trois pale ales différents. Donc, une que vous commandez si vous êtes pour le Brexit, ouais. Une si vous êtes contre, et une troisième... Si vous ne prononcez pas. Voilà. Enfin, si, alors, si vous n'êtes pas encore sûr. Oui, on peut tout imaginer. Alors, vieux comme ça, je vois que tu es pour le Brexit, toi. Ouais, vieux, les Européens, c'est vraiment des connards. Mais tu sais que ma femme est française, dis. Hein ? Vivement les bagarres dans les cafés, quand même. On a jusqu'au 23 juin. Ah, on va rigoler, on va 5600 litres, il y a moins à se battre. Alors, numéro 2. Une mystérieuse boule de feu dans le ciel de Charleroi. Ah oui, on a vu ça. Vous avez pas vu ça. Il y a une vidéo. Il me regarde. Je sais que tu adores Charleroi. Alors. Et il y a une vidéo qui circule. Hein, on voit une boule de feu traverser le ciel de Charleroi de part en part. Et je tourne ma page. C'est tout. Météorite, extraterrestre, tir militaire. Point d'interrogation. Que nenni. C'était quoi ? Il semblerait qu'on ait retrouvé les restes d'une chaudière encore fumante au milieu des terriers avoisinants. Après identification, il s'agirait d'une chaudière de marque Despi. Deux vieux barbus à lunettes auraient tenté de faire disparaître d'énormes quantités de papier compromettants. Et la chaudière bourrée à Mac aurait explosé sans faire de victime, mais serait partie en vol plané sur plusieurs kilomètres. Ouais, ben, c'est donc. Un Charleroi, terre imprévisible. Hein. Allez, en numéro 1. On doit se dépêcher, sinon on va devoir un euro journaliste. Heureusement, j'ai coupé à la grosse louche dans une petite chanson que je trouve très amusante. Je vous la fais écouter. C'est un gars qui prévient que ça va être l'euro. Entre nous, tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro, c'est parti. Je préfère te prévenir. Je vais me nourrir à la bière, seul ou avec tous mes amis. Je vais me nourrir à la bière et aux chips aussi. L'accent la télé sera à moi jusqu'à 3h du mat. T'es ch'ti à Pattaya, tu les matras sur iPad. Sans trop m'envahir, je préfère te prévenir. Je vais me faire offrir des shots de tequila. Ils n'auront qu'à me dire, ça te dit on va chez moi. Je vais peut-être enfin jouir. Ah, enfin ça jouir. C'est Raoul Reyers. Hein. Heureusement qu'il a sélectionné les meilleurs passages. Bon, on a une minute de retard, ce qui veut dire qu'on doit 1 euro aux journalistes, les amis. Ouais, ça commence. Ça vaut la peine. Merci. Allez, dans un instant, on joue ensemble. Oh, qui a dit, je vous rappelle cette phrase, il est au-dessus du lot. Qui aurait pu la prononcer ? On vous fera des propositions dans un instant. Et vous repartirez avec l'ouvrage de Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire aux éditions Robert Laffont. Jean-Louis Debré qui sera également notre invité presque sérieux. C'est dans quelques minutes et c'est à suivre juste après les informations de 16h30 que voici. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le Côte du Rhône Rosé Dieu Merci en 3 plus 3 gratis, soit 2,85€ la bouteille. Intermarché, tous unis pour gagner. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de la première. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan. Venez fêter avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Découvrez aujourd'hui les technologies de demain et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Nissan. Innovation that excites. Comment bien manger? Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Chateaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Chateaubriand. Deleuze. Bien acheter, bien manger. Grande braderie chez O'Green de jeudi à dimanche toute la journée. Et des promos exceptionnelles sur le mobilier de jardin. La première. 16h31. Et on s'informe avec vous, Marie Van Kutsem. Bonjour. Bonjour à tous. Le survol de Bruxelles, nouveau rebondissement dans ce dossier. La région bruxelloise intente 3 actions en cessation environnementale à l'égard du gouvernement fédéral. Il fallait faire bouger les choses, a expliqué Céline Frémaux, la ministre bruxelloise de l'Environnement. On va vous expliquer et vous détailler tout cela dans le journal de 17h et à 17h30 dans le premier dossier de Soir Première. La grève dès lundi sur le rail, c'est bien possible. Le préavis court toujours et la réunion d'aujourd'hui entre syndicats et direction n'a rien donné. Prochaine échéance demain, 14h, les deux parties travailleront encore à trouver un accord. Dans les prisons, c'est le 46e jour de grève. Aujourd'hui, la CSC et la CGSP ont remis hier une contre-proposition pour renégocier, revenir sur l'accord que le gouvernement avait signé avec une certaine partie des syndicats, la CGSLB et les syndicats flamands, pour être précise. La CSC et la CGSP ont revu leur demande à la baisse, mais ont trouvé porte-close du côté du gouvernement. Non, leur a dit Charles Michel, non, on ne va pas renégocier. Les négociations sont terminées. Mais la grève, elle continue. Jusque quand? Et avec quel impact? Eh bien, réponse dans CQFD à 17h45. Pierre-Yves Meugens recevra Michel Jacobs de la CGSP et Philippe Goffin, député MR et président de la commission justice à la Chambre. Merci Marie, on vous doit 1€, on vous l'a donné. On me l'a donné, je vais aller me chercher un coca. Ben merci. Vous devez maintenant donner 3 autres boissons. Ou oui, voilà, ou un iced tea, ou un autre truc. Voilà, c'est ça. Merci Marie. À bientôt. À bientôt, tout à l'heure, retour de l'information à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et dans un instant, nous recevrons Jean-Louis Debré, un de mes coups de cœur littéraires. Tiens, ce que je ne pouvais pas dire aux éditions Robert Laffont, sincèrement, vous plongez dans les arcades du pouvoir, vous plongez dans les secrets du pouvoir, on apprend pas mal de choses. Là, il se met à parler, ou presque, on lui posera une série de questions et vous allez pouvoir repartir avec cet ouvrage. Et c'est Maximo à qui on va tenter de le faire gagner. Bonjour Maximo. Bonjour, bonjour. Vous venez de Mons et vous êtes architecte. Oui, tout à fait. Et c'est Massimo, pas Maximo. Hein. Excusez-moi. Massimo, ah, ouais. Massimo, excusez-moi. Massimo, vous allez bien, vous nous écoutez du côté de Mons, et une phrase qui vous permettra de repartir avec cet ouvrage, ce que je ne pouvais pas dire, c'est Jean-Louis Debré, qui sera notre invité d'ici quelques minutes, et sincèrement, vous allez voir, c'est bien foutu. C'est bien foutu, il s'installe en plus. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Vous allez bien? On s'occupe de vous dans un instant, vous allez voir. Je vous êtes trop petits. Il n'y a que des hommes. Petits oignons. Bah, c'est un peu comme, presque comme l'Assemblée. Hein. Oh, ça dépend pour quelle porte vous rentrez. Ça commence bien, restez avec nous. Oui. Non, ce bouquin s'appelle Ce que je ne pouvais pas dire. Moi, je conseille aussi le bouquin de Franck Ribéry, Ce que je n'arrive pas à dire. Oui, oui. Massimo, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Il est au-dessus du lot. Qui aurait pu prononcer cette phrase? On va vous faire des propositions. Il est au-dessus du lot. Pour repartir justement avec cet ouvrage de Jean-Louis Debré, Ce que je ne pouvais pas dire. Des propositions, Raoul Reyers. Écoutez, c'est un journaliste de Télérama qui a déclaré à propos des humoristes, de tous les humoristes de la Gaule, c'est Edgar Schotz. Il est au-dessus du lot. Un journaliste, donc. Oui. Un journaliste qui aurait pu dire cette phrase. Il c'est est au-dessus. Un peu promo pour les amis. Hein, bien sûr. Il est au-dessus du lot. Hop, Pierre Charette. C'est bien sûr Zlatan qui a dit ça à propos de Zlatan. Ah, ok. Bien sûr. Il est au-dessus du lot. Vincent Fibustier. Eh bien, c'est Jacques Chirac. Un soir où il avait bu pas mal de bière, il a demandé à Jean-Louis Debré, « Dis Jean-Louis, il est où déjà mon département ?» Donc la Corrèze. Et Jean-Louis a répondu, « Il est au-dessus du lot, Jacques. » Donc c'est Jean-Louis Debré qui l'a dit. C'est totalement inexact. Et on va avoir des imitations, super. Et je lui ai demandé et il m'a dit, il est au-dessus du gros lot. Laissez-moi vous dire. Non, commencez pas. Je quitte ce studio. Vous allez l'énerver. Écoutez, charmeux. Ah, ça va être bien. On va avoir le bébé de show là en direct. Tout un best-of. Ah, ça va être nickel. Bon, revenons après Chirac. Qui aurait pu dire il est au-dessus du lot? On va poser la question à Gilles Dalle. Mais il s'agit de Rudy Demotte, répondant à Paul Magnette en parlant d'Elio Di Rupo et qui a dit dans la foulée, c'est un homme qui a à la fois une vision stratégique et une force d'impulsion. Non, ça c'est pas possible. Et enfin, Christophe Bourdon, qui aurait pu dire il est au-dessus du lot. Mais Vincent n'était pas loin et c'est assez surprenant quand on lit son livre. C'est Jean-Louis Debré qui a dit ça à propos de Nicolas Sarkozy. Ah là, bon, j'ai jeté un froid dans le studio. Jean-Louis, il est au-dessus du lot. Jean-Louis Debré, bon, il n'a pas dit de quel nom. Cette phrase. Alors, on va poser la question à Massimo. Massimo, je vous rappelle les propositions. Un certain journaliste qui aurait fait l'éloge du talent d'Edgar Schotz, qu'on ne présente plus. Zlatan Ibrahimovic à propos de lui-même. Jacques Chirac, Rudy Demotte ou Jean-Louis Debré, qui est notre invité. Procédons par élimination. J'avoue que Zlatan me tente bien. Je pense qu'il a déjà dit, mais peut-être pas l'interview de Bertrand de ce matin. Ou alors Jacques Chirac, juste pour l'interview et l'imitation. Oui. Mais je pense que ça vient plutôt du Parti Socialiste. Rudy Demotte pour vous? Ah oui, je pense que c'est Rudy Demotte. Et effectivement, quand Demotte répond à Magnette en parlant d'Elio Di Rupo, c'est un homme qui a à la fois une vision stratégique et une force d'impulsion, et son âge n'est heureusement pas un handicap, il est au-dessus du lot en parlant effectivement du régional, hein, on veut tout scinder. Oui. Il a fait une belle sortie, je trouve, Paul Magnette, à propos de ça. Il a fait une phrase qui restera dans les annales. Il a parlé d'éducation et de culture. Sans ça, la Wallonie est tenuque, il a dit. Et c'était mon mot de la fin. C'est vrai, mais gardez-le, c'est pas grave. En attendant, Massimo, on vous envoie Ce que je ne pouvais pas dire de Jean-Louis Debré aux éditions Robert Laffont. Vous allez voir, vous allez passer un chouette moment, tout comme moi, parce que j'ai pris du plaisir à lire et on va prendre du plaisir à le découvrir et découvrir ce personnage. Je vais lui dédicacer. Ah, vous voulez qu'il vous le dédicace ou pas? Oui, volontiers. Ah, et vous voulez qu'il mette quoi comme mot? Vous voulez un mot en particulier? Oui, mais je dirais... Une imitation de Jacques Chirac. Maximo, je vais m'en occuper. Et il va s'en occuper. Jean-Louis Debré est notre invité. Merci. Il est presque sérieux, Raoul. Comme quoi, écouter la première le matin, ça permet de gagner des bouquins à l'après-midi. Ben voilà, donc réécouter l'interview de Bertrand Haine, d'ailleurs, à retrouver sur le rtbf.be/ovio. En attendant, il est là, fils de Michel Debré, notre invité. Ah, là là, il est là. Oui, on le disait, fils de Michel Debré, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, puis président du Conseil constitutionnel dont le mandat donc arrive à son terme un 4 mars 2016. Est alors remplacé par Laurent Fabius le lendemain, le 5 mars donc 2016. Le ministre de la Culture annonce votre nomination comme président du Conseil supérieur des archives. C'est d'ailleurs aujourd'hui la journée nationale des archives, internationale des archives. Oui, alors faut pas exagérer, c'est une fonction bénévole. Ah non, mais c'est une journée internationale. Qui s'est pas réunie depuis 3 ans. Ne vous énervez pas. Je m'énerve pas. Alors, proche de Jacques Chirac, on sent toute la tendresse que vous avez pour lui d'ailleurs dans cet ouvrage. Vous êtes opposé à maintes reprises à Nicolas Sarkozy. Alors, on sent que vous l'aimez pas du tout dans le bouquin, l'estimant trop différent et affirmant que l'ancien président de la République n'aime pas l'État. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Alors, jurez-vous d'être presque sérieux? Tout ce que vous direz ici ne sera pas retenu contre vous, je vous le promets. Non. Vous jurez d'être presque sérieux ? Non. Pas du tout. Pas du tout envie de sérieux. Monsieur connaît la musique. Et vous commencez à m'emmerder avec vos questions complètement stupides. Ah. Il vous connaît visiblement. C'est bien, ça commence bien. Et Dieu sait que j'avais... Je dirais ce que j'ai envie de dire. C'est vrai. Et si je veux pas le dire, je le dirai pas. Vous avez raison. En tout cas, c'est vrai que quand on voit la femme de Sarkozy, on se dit qu'il n'aime pas l'État. Le mauvais État. Non, l'État. Alors, Jean-Louis Debré, c'est une tradition. Dans quel État il est ? C'est une tradition maintenant dans cette émission. On offre une minute à notre invité pour nous donner envie de se plonger dans son ouvrage. Vous renouez donc avec la liberté de ton. Eh bien, le ton, on vous le donne. Ça y est, vous avez une minute pour. Oui, j'ai une minute. Ce qui m'a fasciné, c'est que j'étais dans une situation extraordinaire. J'avais deux voisins, un à droite et un à gauche, qui étaient deux anciens présidents de la République. Et ces deux hommes qui s'aiment d'un amour tendre, ne se passe rien. Ils sont à la fin de leur vie, ils se sont jamais aimés, ils ne s'aimeront jamais. Et j'étais là, et un jour, c'est la première réunion, on étudie un problème sur l'immigration, et mon voisin de droite, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, je voudrais dire un mot. Allez-y, monsieur le président. Voilà, j'ai été président de la République, le problème de l'immigration se posait. Mais à l'époque, mon premier ministre n'était pas très allant sur les problèmes d'immigration. Je regarde mon voisin de gauche, je me dis « sauvé, il est sourd comme un pot ». Il n'a rien entendu. Mais il avait entendu. Et là, c'est terminé. La minute est terminée. Oui, mais nous, on veut savoir la fin. Ah ben, justement, si vous voulez savoir la suite, il va falloir vous plonger dans le bouquin. Non, parce que vous m'avez coupé trois fois. Voilà, exactement. Et vous n'êtes pas l'Assemblée nationale ici, monsieur. Oui, mais c'est pas vous qui dirigez. Et donc, je vais continuer, même s'il ne veut pas. Et à ce moment-là, mon voisin de droite fait « Je veux dire un mot. Moi aussi, j'ai été président de la République. Et la différence entre lui et moi, c'est que j'ai été réélu. » Et justement. Non, je ne parle plus maintenant. La minute est finie. En parlant de Chirac, il y a moi une citation que j'adore dans ce bouquin. Allons boire à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Oui, c'est la prière des cavaliers. C'est vrai. Ouais. Des militaires. Oui, mais les cavaliers sont militaires, parce que sinon ils sont par terre. Bon, ça dépend. Il y a des cavaliers qui montent à cheval, juste pas pour faire la guerre, vous savez, aujourd'hui. Pour ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, voilà, chacun son truc. Et donc, vous avez une profonde tendresse pour Jacques Chirac. Tendresse que vous entretenez encore aujourd'hui. Vous le voyez encore régulièrement ? Oui. Sa femme vous a pardonné ? Elle m'aime moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, il faut interroger-la, inviter-la. On a peu. Inviter-la. Elle passe mal. Et elle viendra, vous verrez. Vous verrez, elle vous dira. Moi, je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Nous n'avons pas une tendresse l'un pour l'autre. Alors, vous revenez. c'est mignon. Et vous revenez justement sur. De l'euphémisme. Sur 9 ans où vous êtes tu, où vous avez scrupuleusement retranscrit tout ce qui vous passait par la tête, tout ce qui vous ne pouviez pas dire, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, avec Nicolas Sarkozy qui vous agace, qui vous menace même. Oui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas fait pareil. Et il n'accepte pas ce que j'ai voulu faire au Conseil. C'est une institution totalement indépendante. Mmh. D'ailleurs, mon premier geste au Conseil, c'est d'enlever tous les portraits des anciens présidents de la République et même du président de la République actuel, y compris de Gaulle, parce que nous ne sommes pas là pour rendre la justice au nom d'un homme, quel qu'il soit, au nom du peuple français et de la République. Et donc, le pouvoir politique n'accepte pas de voir émerger une institution indépendante. Et d'ailleurs, quand le président de la République, en tout cas c'était ma conception, voulait me voir, je n'acceptais que s'il commençait par venir au Conseil constitutionnel. Ah oui. C'est comme ça que j'ai invité à déjeuner Nicolas Sarkozy. C'est la seule fois de ma vie où je l'ai invité à quelque chose. Et pourquoi ? Parce que c'est symboliquement. On vit dans une époque où les symboles sont très forts. Et je n'ai assisté à aucun 14 juillet. Parce que je ne voulais pas qu'on me photographie à côté d'un ministre de la République. C'est une petite chose. Mais on vit aujourd'hui dans une société faite de symboles. Et comment voulez-vous faire comprendre votre indépendance si on vous voit au cocktail à l'Elysée, au dîner. Je n'ai jamais assisté en 9 ans au moindre dîner officiel à l'Elysée. Vous n'avez pas trop faim ? Alors, non, mais non, mais justement, justement. Non, mais alors, j'avais, je vous j'avais un mec qui faisait des pizzas qui étaient bien meilleures. Alors, je vais vous dire quelque chose. Drôle, jamais trop faim. Vous savez, je vais dire non. Parce que dans tout le bouquin, il y a plusieurs chapitres qui commencent par. Je vais déjeuner avec. Ah bah c'est très bien. Il y a un. Alors je n'ai pas compté le nombre de fois. Oh bah où... En 9 ans, ça n'est pas beaucoup quand même. Hein. Ah non, mais vous avez non, énormément bah... déjeuné. Oui, vous avez parce que j'ai déjeuné avec des présidents ou des ministres au conseil, pas chez eux. Mmh. Le déjeuner est un moment important. Ou après les avoir fait boire, on peut enfin savoir ce qu'ils ont derrière la tête. Ah, c'est stratège. Vous commencez tout de suite au Bourgogne ou au Bordeaux. Si le client est un peu récalcitrant, vous mettez Bourgogne et Bordeaux. Apportez-moi un Bourgogne et un Bordeaux, s'il vous plaît. Non, mais moi je ne bois pas parce que Sarkozy ne boit pas. Je me trompe, non ? Il ne boit pas d'alcool. Non, mais c'est pire. Ah, il prend de l'eau, ça rouille. vous arriviez à saouler Jean-Louis Borloo ? La question est basse. On m'a dit beaucoup de bien de vous, mais je trouve que c'est pas bien. Eh bien, on va revenir je sur cet monseigneur. On va revenir avec vous, Jean-Louis Debray. Restez avec nous. Ce que je ne pouvais pas dire, c'est très sincèrement un ouvrage qu'on a apprécié ici, et je vous encourage à vous le procurer. C'est aux éditions Robert Laffont, et on vous l'offrira. Tiens, en envoyant Sarko, tiens, par SMS, 60-31, 75 centimes le message. Avec les nerfs de notre invité. Oh, mais ouais, il joue aussi, on aime taquiner les invités, et ça nous fait vraiment un grand plaisir de vous recevoir, Jean-Louis Debray, restez avec nous. On s'intéressera à vous dans un instant. J'ai pas l'intention de partir. Non, mais restez, parce que dans ça la m'arrange. Alors, faites attention à ce que vous allez dire, parce qu'on a préparé, moi, en tout cas, moi, j'ai préparé une interview à base de Debray. Oui, bah écoutez, ça fait 40 ans ou 50 ans que j'entends ça. Ah bah écoutez, restez là, vous allez voir. Et dans la suite... Un degré au-dessus de zéro. Celle-là, on ne l'avait pas. On l'avait passé là, le degré au-dessus de zéro. Mais restez avec nous, car dans la suite, on va avoir une interview de vous signée Christophe Bourdon. Je dois vous dire que j'ai des sonneries pour tout le monde. Si vous entendez la Marseillaise, c'est Jacques Chirac. Qu'en est une spéciale pour Nicolas Sarkozy ? Il m'appelle pas. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Pour le foot, vous amènerez les pizzas, les gars ? Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Comment je calcule le coût salarial d'un employé supplémentaire ? Ben je ne le fais pas. Faites confiance à Sécurex. Réalisez une simulation sur coûtsalarial.be. Sécurex. Chacun son métier. Le circuit de Spa-Francorchamps. Un lieu mythique pour se retrouver en famille. Avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. À la recherche d'un cadeau original pour la fête des pères, offrez-lui un baptême de piste. 2 tours aux côtés d'un de nos pilotes et 2 tours au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. La première, Mobile Info. Et à 16h47, on retrouve Adrien Demey. Adrien, que se passe-t-il sur nos routes ? Eh bien, tout d'abord, c'est travaux sur la 54 entre Charleroi et Nivelles. Les travaux se situent à hauteur de Petit-Reux. Ça ralentit depuis Lutre, 3 km de retenue trafic environ. C'est en direction de Nivelles. Ça ralentit d'une manière générale au niveau des différents chantiers en Wallonie. Notons par ailleurs que sur le ring de Bruxelles, un tronçon est plus fortement ralenti. Une trentaine de minutes supplémentaires entre le carrefour Léonard et Zaventem. Une vingtaine de minutes perdues entre Zaventem et Grand Bigard, ainsi qu'entre Zaventem et le carrefour Léonard. Et puis sur le 17 entre Courtrai et Lille, sachez que la frontière est fermée à hauteur de Réquem en raison d'une manifestation à cet endroit. Cela provoque de gros embarras de circulation tant venant de la Belgique vers la France que venant de la France vers la Belgique, donc venant d'Albeek et vers Albeek. Sachez par ailleurs que pour les usagers qui se trouvent à hauteur de l'échangeur d'Albeek, il est conseillé d'emprunter le 403 jusqu'à Marquin, puis le 429 en direction de la France. Pour ceux qui viennent de Bruxelles, par contre, il est conseillé de prendre le 19 sur l'axe Bruxelles-Mons-Valenciennes. Faites le plein d'instants gourmands. il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux sur la première. Si vous nous suivez depuis quelques minutes, eh bien, vous en êtes rendu compte, oui, l'humour est dans le Debré et il est avec nous, il est présent et il parle politique avec vous, mon cher Christophe Bourdon. Vous renouez. Il réécrit son interview. Je suis en train de réécrire le texte, je ne sais pas si. Il a tout barré. Alors, Jean-Luc Debré, votre livre s'appelle Ce que je ne pouvais pas dire. Mais est-ce que vous avez vraiment tout raconté dans cet ouvrage? C'est ce que nous allons voir avec Christophe Bourdon. Ah oui, je comprends. Ah, Jean-Luc Debré, je vous le dis sincèrement, c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Ah, comment ça m'emmerde un peu. C'était pas dans le texte. Parce que vous m'avez écrit ce qu'il faut que je vous dise. Tout à fait, allons-y. Alors, je vais c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. C'est un honneur extraordinaire pour moi. J'attendais ça depuis 40 ans. De rencontrer une personne comme vous, exceptionnelle, admirable, chevelue, lumineuse. Oui, je suis heureux d'être là. Attends, j'ai oublié de mettre mes lunettes pour voir. Parce qu'elles doivent durer un quart d'heure. Et je vais enchaîner. Monsieur Debré vous reçoit donc pour votre livre « Ce que je ne pouvais pas dire » où vous y dites tout ce que vous ne pouviez pas dire. Mais pourquoi vous ne pouviez pas dire ce que vous ne pouviez pas dire? Pourquoi je ne peux pas dire ce que je ne pouvais pas dire? Oui. Parce que je n'avais pas envie de le dire. Non, parce que et j'avais un devoir de réserve. Voilà. Non, mais je ne suis pas forcé de lire exactement ce que vous me dites demain. On va couper la parole. On est dans un pays libre quand même. C'est vrai, vous aviez un devoir de réserve. Mais monsieur Debré, en quoi consiste... Appelez-moi Jean-Louis, c'est plus simple. Jean-Louis, mon petit joujou. En quoi consiste... j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Parce que moi, je vous appelle pas Cricri. C'est que le début, on n'a pas fini. Alors. Monsieur Debré, Jean-Louis, en quoi consiste ce fameux devoir de réserve? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple très précis. Quand, en fin d'année, vous allez dans un parc animalier, oui. Eh bien, et que le professeur vous demande de raconter par écrit quand vous avez vu un gorille qui butine une guenon, eh bien, vous êtes sur le devoir de réserve, vous ne dites rien. C'est le devoir de réserve, d'accord, je vois. Par contre... Vous ne voyez rien du tout. J'essaie de faire le texte à votre place, vous êtes en train de le bousiller. Mais parce que vous voulez rentrer à l'Académie belge? Non, les Belges, ils sont marrants. Est-ce qu'on mais quand peut changer d'invité? Non, enchaîner. Oui. Par contre. Non, c'est pas grave. Non, mais ça, ça aucune. La réponse là n'a aucun intérêt, on passe à une autre. Non, alors, dans ce livre, monsieur Debré, vous dites dans ce que vous ne pouvez pas dire, mais est-ce qu'il y a malgré tout des choses que vous n'avez pas dites alors que vous auriez pu les dire? C'est très intéressant comme question. Voilà. J'ai dit des choses que je ne pouvais pas dire, mais je peux dire des choses que je n'ai pas dites parce que je n'ai pas envie de les dire. D'accord. Vous avez compris? Je vous suis. Non, mais pas moi. C'est pas grave. Donc j'enchaîne, d'accord, puisqu'ils sont dans le... Donc vous allez écrire un deuxième livre qui s'appellera « Ce que je n'ai pas encore dit, mais que je veux vous dire parce que je peux le lire ». Oui, alors, bien, par exemple, je parlerai de ma première expérience sexuelle avec un bébé phoque. Non, c'est dans le texte, calmez-vous. Et vos expériences, studio, vos expériences, vos expériences homosexuelles ne le regardent pas. Non, je pense que vous parlerez de première histoire d'amour dans ce livre. Non, je vais essayer de raccrocher ça au... Voilà, bon, à l'amour, tout de suite, vous l'avez. Oui, tout de suite, je suis romantique, moi. Donc parlez-moi un peu de cette jolie jeune fille, comment s'appelait-elle? Bon, rappelez-moi. Ça s'est mal terminé. Voilà. Elle s'appelait Bernadette. C'est pas du tout dans le texte. Ah, mais c'est vous bon, bien, vous savez. Donc parlez-moi de cette jeune fille qui s'appelait Joséphine de Loin, parce que je pense que cette histoire s'est mal terminée. Mais je ne me souviens plus de cette jeune fille. Bah, lisez votre texte. Votre père était opposé à cette union, rappelez-moi. Je vais faire la réponse aussi. Oui, mais ça... Oui, parce que... Non, mais attendez, il avait fait une réponse allez-y. Je trouve stupide. Voilà. Et donc, il voudrait que je réponde stupide, parce qu'il voudrait que ça se termine par Debré ou de Loin. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que votre père a dit vous de choisir, c'est soit Joséphine de Loin, soit la famille Debré, donc c'est Debré ou de Loin. Ouais. C'est tragique. Ça, vous avez fait beaucoup de trajets pour arriver à ça. Ouais, très peu, j'ai un nègre, vous savez. Sinon, je crois que dans le livre, vous parlerez aussi de vos années de député. Vous pouvez me parler de ça? Il est en train de tout barrer, c'est pas grave. Oui. Dans le département de l'Eure, vous vous souvenez? Oui, et j'ai une anecdote. Je vous écoute. Eh bien, cette anecdote, c'est que... Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. D'accord, c'est pas grave, c'était pas dans le texte. On continue. Et que raconterez-vous d'autre dans ce livre? Eh bien, je raconterai qu'il fallait arriver à l'heure. C'est pas faux. Je n'y arriverai pas. Jean-Louis Debré, vous êtes exceptionnel. Franchement, est-ce qu'on pourrait vous engager de temps en temps pour faire des sketchs pour nous? Ah, vous êtes exceptionnel. Exceptionnel. Quand vous voulez. Jean-Louis Debré, est-ce que ce livre vous sert de prétexte pour régler vos comptes? Ça y est, on les a toutes. Les comptes chèques postaux? Non, non. Le jeu de l'Alzheimer. Non, non, non, non. parce que j'ai pas envie de régler les comptes, je m'en fous, c'est plus mon problème. Je veux écrire, je veux rentrer ici pour faire les sketchs pour supplier mon ami Christophe qui quand même est un peu défaillant. Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez pris de précautions? Du plaisir, oui, non, beaucoup. De précautions. Il faut toujours prendre des précautions. Oui. Quel genre de précaution? Je ne sais pas ce que vous avez enlevé les chapitres. Non. J'ai écrit au jour le jour. J'ai réduit, puisque le manuscrit faisait 800 pages, et que je pensais que Christophe n'était pas capable de dépasser 50 pages, mais je n'ai rien réécrit. Vous savez, monsieur Debré, j'ai mis 6 heures à écrire ce texte. Vous avez toujours dans le sketch de Christophe, là. Oui. Ne désespérez pas. Tiens, regardez, Macron y arrive bien. C'est pas faux. Jean-Louis, pour réussir en politique, il faut avoir des dons de prestidigitateur. Vous pouvez me le redire, ça, ouais. De prestidigitateur. Oh là là, on ne l'a jamais faite, celle-là. On l'a jamais faite. Hein. Ah, ouais. Des dons de Bray. Et les dredons. Alors. Ça manque un peu de structure, cette émission. Alors, est-ce que les politiciens sont des prestidigitateurs? Non. Sont de brédateurs. Parfois, certains. C'est vrai, qui? À qui je pense? Oui. Je sais pas, je pense pas. Est-ce qu'en politique, vaut mieux Debré venir que guérir? Non, il faut Debré aller-retour. C'est vrai. Oui. En tant que président, est-ce que François Hollande a manqué de préparation? Ah, je crois qu'il a trop souvent débrayé. Mmh. Débrayé. Oh, désolé. Complétez cette anaphore de François Hollande. Moi, de président, je... J'ai pas compris ce que vous dites. Moi, de président, je... Est-ce que vous aimez le fromage et le beurre? C'est ça la question. Non, j'aime le fromage, le beurre et la crémière. mais complétez cette anaphore. Souvenez-vous de cette anaphore de François Hollande qui disait « Moi, président, je... » Ah, moi, président, oui, je... Mais moi, de président, je... Moi, de président, je... Expliquez juste ce qu'est une anaphore. Qu'est-ce que je... Moi, de président... Je reviendrai, c'est très souvent ici, pour me marrer un bon coup. Ouais. Alors Emmanuel Macron, vous en avez parlé, qui dit que le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler, comme dirait Bowie. Oui, ou d'être Rothschild. Il n'est pas un peu Debré-geur? Il est Debré-out. C'est vrai? Oui. Ouais. Vous pensez qu'il ira pas loin? Je pense qu'il ira... non, il n'ira pas loin, parce que tout ça sont des bulles médiatiques. Quel politicien, d'après vous, manque cruellement de second Debré? Personne, parce qu'un Debré n'est pas indispensable et qu'un Debré peut en cacher un autre. Mmh. Pour lequel d'entre eux avez-vous le plus Debré jugé? De Debré jugé. Écoutez... Est-ce qu'on mettrait pas toujours la musique beaucoup, des grosses têtes en fond? Mais on atteint des niveaux jamais atteints. Non, parce que je vais lui poser une dernière question. Votre chef... Ouais. Qui a un micro, d'ailleurs, la couleur différente des autres. Oui. Exact. Me pose une question et vous répondez à ma place. N'avez pas honte. Mais où est-on? N'avez pas honte. Mais où est-on? Excusez-moi, monsieur Debré, vous avez vu le niveau des questions en même temps. On vous aide, vous avez vu le niveau de sa question, excusez-moi, mais on vous aide. Ah bah ça, c'est un nouveau. Attention. Debré au-dessus de zéro. Voilà, on est d'accord. Dire que j'ai dit du bien de ce bouquin. Ramenez-nous Sophie Farrier. Après l'émission, vous avez quoi? Vous n'avez pas dit que c'était chez Robert Laffont? Oui, j'ai dit que c'était Robert Laffont. Se procurer dans toute bonne boucherie. Mais bien sûr, je l'ai dit. Tiens, après l'émission, vous avez quoi de prévu? J'ai prévu quelque chose qui ne vous regarde pas. Eh bien, écoutez, restez avec nous, Jean-Louis Debré. On continue à s'amuser sur toi, à s'intéresser à cet ouvrage dans lequel, eh bien, vous dites tout, les combats menés, les dirigeants politiques côtoyés, souvent affrontés, des souvenirs, des commentaires. On est presque sérieux. À tout de suite. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. Et si vous aviez un webshop ? comme celui que Oxfam Magasin du Monde est en train de tester gratuitement pour l'instant. Les Magasins du Monde Oxfam, ce sont 70 magasins, 4000 bénévoles, un large choix de produits 100% équitables. Alimentation bio, bijoux, accessoires de mode, déco, produits de soins, vendus à des prix justes pour les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, aussi disponible sur notre webshop. Intéressé ? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Capteur de stationnement ? Oui. Téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync ? Oui. Système de navigation avec écran tactile ? Oui. Quoi d'autre ? Le prix ? Ford Focus Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. La 3 est la première présence. Spa 2016. Avec La Biche. Diderot. Beaumarchais. Mais aussi Alain Berenbaum. Véronica Mabardi. Céline Delbecq. Yasmine Arezzo. Frédéric Lordon. Nicolas Ancion. Christian Daly. Le Festival de théâtre de Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique à l'avenir. La météo. Bonne fin de journée, très bonne soirée à tous. Après cette journée des plus agréables sur le plan météo, le temps va rester sec cette nuit et le ciel assez bien dégagé. Des nuages d'altitude, cela dit, gagneront le ciel belge à partir de l'ouest. Et quelques bandes brouillard sont à prévoir en fin de nuit, notamment du côté de l'Ardenne ainsi que vers la Flandre occidentale. Ensuite, demain, le voile nuageux va s'épaissir par l'ouest au fil des heures de la journée. Mais le temps restera malgré tout sec et lumineux. Les températures de saison demain afficheront 20 à 23 degrés, un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Et puis pour le week-end, c'est la dégradation qui se précise avec l'arrivée de cette perturbation. Pluie ou averse seront au programme dès samedi et les températures vont baisser pour avoisiner 20 degrés au mieux sur le centre du pays. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet, bonsoir. Bonsoir. La polémique sur le survol de Bruxelles est de retour. Le gouvernement bruxellois attaque le gouvernement fédéral via trois actions en justice. Grève, manifestation, la fête du foot qui commence officiellement ce soir à Paris va-t-elle faire oublier un peu le climat social particulièrement tendu en France ? Un point sur vos conditions de circulation avant de développer ces titres et c'est avec Adrien Demey. Et sur le 411, vous perdez une vingtaine de minutes entre Ciney et Assès au niveau du chantier. Sur la 54 également, entre Lutre et Petit-Reux, chantier également à cet endroit, vers Nivelles. Et puis sur le ring de Bruxelles, tout au plus, vous perdez 25 minutes entre Léonard et Zaventem. Bruxelles en justice contre l'État belge pour alléger le bruit des avions. Le gouvernement bruxellois a décidé aujourd'hui d'affronter l'État fédéral devant des tribunaux et il intente non pas une mais trois actions devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Les ministres bruxellois veulent forcer le gouvernement fédéral à alléger le survol de la capitale et comme la voie du dialogue n'a pas débloqué le dossier, ils optent, Myriam Ball, pour la manière forte. La ministre bruxelloise de l'environnement Céline Frémaux montre des colonnes de données enregistrées par les sonomètres à Bruxelles. On y voit des dépassements très fréquents, du bruit autorisé, jusqu'à un avion sur deux, certains jours, au-dessus de quartiers très peuplés. Ça doit cesser, dit la ministre, et puisque le gouvernement fédéral fait la sourde oreille, nous allons le crier plus fort au tribunal. L'accord de gouvernement bruxellois était très clair. Nous avons demandé une solution qui soit globale, qui soit structurelle, qui permette d'éviter les zones les plus densément peuplées, qu'on ne découvre pas aujourd'hui les intentions de la région bruxelloise. Depuis plus de 20 mois, je n'ai cessé de demander des groupes de travail pour avancer, mais il était indispensable d'envoyer ce signal fort. Madame Galland n'avait jamais répondu à votre appel. Alors les groupes de travail n'ont jamais été réunis, effectivement. Le gouvernement bruxellois a intenté trois actions sur trois fronts. Le survol de la zone du canal, le survol du sud-est de Bruxelles et le bruit entre 6 et 7 heures du matin. Il espère que les juges reconnaîtront des abus et imposeront de modifier le survol sous peine d'astreinte. Et c'est déjà arrivé. Une action semblable, en cessation environnementale, avait déjà fait suspendre le plan Watelet il y a 2 ans. À ce moment-là déjà, la région bruxelloise avait eu besoin d'un juge pour peser sur les décisions du fédéral. Et la ministre bruxelloise invite les 19 bourgmestres et les associations de riverains à la rejoindre dans ses actions en justice. Alors, ces actions en justice, est-ce une attaque de la région bruxelloise envers le gouvernement fédéral ? Écoutez la réponse du ministre fédéral de la Mobilité cet après-midi à la Chambre, François Bello. Non, je pense que c'est une expression, enfin je le considère comme ça, une expression de dire il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Moi je suis quelqu'un très ouvert à la concertation, donc tout le monde exprime ses choix et je les ai entendus. Et puis voilà, je ne pense pas que les solutions se trouvent dans les tribunaux. Un jugement, il constate une chose, il sanctionne ou il ne sanctionne pas. Mais ce n'est pas un tribunal qui va dégager la solution. Ça, c'est notre rôle de dégager une solution. Je veux dire qu'il y a l'action judiciaire, mais moi, je suis plutôt orienté solution que sanction. Donc, essayons de trouver la voie ensemble vers ce chemin qu'il faut parcourir, bien entendu. François Bello à la Chambre. Et on reste à la Chambre où l'on a goûté tôt cet après-midi. Plusieurs questions orales ont tourné autour de la tarte au riz, la dorée, comme disent les initiés. La tarte de Verviers est à base de lait cru. Et l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, voudrait l'envoyer au frigo, alors que la tradition veut qu'elle se serve à température ambiante. Reportage à la Chambre, Baptiste Tupin. 15h40 à la Chambre, c'est l'heure du goûter. Alors, trois questions sur les normes de l'AFCA par rapport au riz. Tarte au riz. À l'origine de ces questions au ministre de l'Agriculture, une étude de l'AFSCA sur la température de conservation de la tarte au riz. Chez les députés de la province de Liège, l'affaire est prise très au sérieux. Michel Delamotte, CDH. Une interdiction de conservation à température ambiante et donc une remise en question du processus de fabrication traditionnel est-il à l'ordre du jour ? Mettre une tarte au riz au frigo, une hérésie à leurs yeux, car pour garder tout son moelleux, la tarte doit être conservée à température ambiante, c'est bien ça que lui reproche l'AFSCA. Chacun, selon ses sensibilités, est venu défendre son morceau de tarte. Muriel Gerkens, écolo. Qu'est-ce que c'est pour un pays qui veut autoriser le Roundup et qui veut interdire la tarte au riz ? André Frédéric, PS. Il s'agit d'un problème d'artisanat local, et il s'agit d'un sujet d'intérêt général et de gastronomie locale et de folklore local. Réponse de Willy Borsu, ministre de l'Agriculture. Il n'y a pas de sombre stratégie ourdie quelque part en ce pays pour tenter de porter atteinte, pas plus à la tarte au riz du pays de Verviers qu'à tout autre produit de tradition en particulier. Les résultats de l'étude de l'AFSCA sont attendus pour septembre. D'ici là, personne ne vous interdira de manger votre tarte à température ambiante. La tarte au riz, un sujet qui a, on l'a entendu, déchaîné les passions à la Chambre cet après-midi. C'était un reportage de Baptiste Tupin et Stéphane Crombin. Pas d'accord entre direction et syndicats à la SNCB. Les deux parties se sont quittées il y a une heure. Les dossiers qui fâchent sont toujours la diminution des jours de récupération dans l'optique d'un gain de productivité et les sanctions contre les grévistes. Les syndicats reprochent ce soir à la direction d'être venu avec un nouveau texte en fin de réunion. Texte qui prévoit une augmentation de productivité métier par métier à la place d'une augmentation de productivité linéaire d'ici 2019. Une nouvelle réunion entre la direction de la SNCB et les syndicats est fixée demain à 14h. La CGSP cheminot a déposé un préavis de grève du 12 au 26 juin. Le syndicat socialiste se réunira demain matin avant la réunion pour décider si elle part en grève à partir de dimanche. Dans le dossier prison, en grève depuis 46 jours, il y a du mouvement. Les gardiens de la prison de Nivelles ont voté pour la fin de la grève. Le travail reprendra lundi. D'autres assemblées générales sont prévues demain encore. Depuis le 25 avril, les gardiens de prison de Bruxelles et de Wallonie sont en grève. La CSC et la CGSP réclament notamment plus d'effectifs. Plusieurs autres syndicats ont accepté le dernier protocole d'accord de Koen Gaens. Pour le ministre fédéral de la Justice, les discussions sont depuis lors terminées. Ni le ministre, ni le Premier ministre n'ont l'intention de prendre en considération la contre-proposition qui a été formulée par la CSC et la CGSP. La fête du foot commence ce soir en France avec un concert géant au pied de la Tour Eiffel à Paris. La fête, oui, mais dans une certaine confusion. Depuis plus de trois mois, manifestations, grèves et actions coup de poing se multiplient pour obtenir le retrait de la réforme du travail. La circulation des trains est perturbée. Et puis à Paris et Marseille, les poubelles s'accumulent. Bref, Frédéric Saïs, la fête a déjà des relents fétides. À la veille de l'euro, les syndicats opposés à la réforme du marché du travail maintiennent la pression. Dans les trains, ce n'est pas une grève nationale, mais des débrayages ponctuels et localisés qui sont attendus. Il sera par exemple difficile de se rendre au match d'ouverture France-Roumanie demain soir près de Paris. En revanche, aucun blocage des transports n'est annoncé pour l'instant à Lyon pour le premier match des Diables Rouges le 13 juin. Des difficultés sont attendues dans le ciel sur les vols Air France à partir de samedi et pour 4 jours, 20 à 30% des vols devraient être annulés. Et puis il y a aussi à Paris cette grève du ramassage des déchets, des poubelles qui s'entassent dans certains certains quartiers, les autorités réfléchissent à faire appel à des sociétés privées. D'ici à la fin de l'euro, trois dates devraient cristalliser les pics de grève. Le 14 juin, le 23 juin et le 28 juin, trois journées de mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail, même si la CGT, le syndicat en pointe sur le mouvement, assure ne pas vouloir gâcher la compétition. La CGT qui a même prévu d'aller distribuer des tracts dans plusieurs langues aux abords des stades pour expliquer son mouvement. Et les Diables Rouges dans tout ça, peuvent-ils redorer l'image de la Belgique? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première et vous pouvez réagir en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir encore via Twitter avec le hashtag Matin1. Merci de nous être fidèles, 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. Et l'après-midi se poursuit évidemment sur la première avec Walid et ses chroniqueurs et son invité. Merci Diane, retour dans l'information tout à l'heure à 17h30. Les gars, à la mi-temps je vais chez Krefel. Hein. Sur krefel.be, ouvert 24h sur 24, livré le lendemain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Et pas que, nous sommes bien entourés aujourd'hui avec nos chroniqueurs qui relatent l'actualité avec de l'impertinence, avec un regard décalé jusqu'à 17h30 durant une heure et demie. Ils sont là avec vous tous les jours de la semaine. Il y a autour de cette table Christophe Bourdon, bonjour. Je suis prêt pour ma chronique. Il y a Gilles Dall, bonjour. Il y a Pierre Charette. Bonjour Walid et bon anniversaire à Gilles Dall. Il y a Raoul Reyers. Moi je n'écrirai plus jamais le sketch le jour où il y a un invité. Il y a Vincent Flibustier qui nous racontera des histoires dans un instant. Éventuellement. Et puis il est là pour nous parler de cet ouvrage qui sort aux éditions Robert Laffont, Jean-Louis Debré, notre invité presque sérieux, ce que je ne pouvais pas dire, et on en parle sans plus attendre. C'est presque sérieux. Sur la première. Souvenirs, commentaires, mis au point sous la forme d'un journal de bord, d'une genre de journal intime aussi, hein, où vous revenez régulièrement, en tout cas au gré de vos humeurs. Vous écrivez sur tout le monde, sur Nicolas Sarkozy, sur Valéry Giscard d'Estaing, en tout cas les échanges que vous avez avec eux, avec François Hollande, vos relations avec Alain Juppé, avec François Copé ou Bruno Le Maire, le troisième homme pour qui vous vous enthousiasmez aussi. Vous le voyez aller loin, Bruno Le Maire? Sûrement, d'abord parce que je l'ai choisi pour être élu dans mon département. Mmh. J'ai été élu pendant 25 ans. C'est un homme de qualité, c'est un jeune qui monte, que je crois qu'il peut être un élément essentiel dans la relève politique de la France. Alors, parler de relève politique... Mais je dis du bien aussi de Lionel Jospin. Oui. Parce que c'est ma vérité. C'est ma vérité, c'est pas un livre d'action politique, je ne ferai plus de politique, c'est ce que j'ai voulu, en homme libre, dire des hommes et des femmes que je rencontrais, quelle que soit leur étiquette. Alors c'est vrai que dans le livre, on sait que vous êtes un homme de droite, vous flinguez non, beaucoup. Non, je ne suis pas un homme de droite, j'appartiens à une famille gaulliste, ouais, qui n'est ni à droite ni à gauche. Le gaullisme, c'est fini en France? Oui, parce que De Gaulle n'est plus là, ça ne vous a pas échappé. Oui. Mais est-ce que ça veut encore dire ça veut dire encore quelque chose de se déclarer gaulliste? Parce qu'on se déclare gaulliste de Dupont-Aignan à la gauche aussi. Donc. Je dis que je suis d'une famille gaulliste, et dans le gaullisme, il y a un certain nombre de choses qui règlent, qui restent, et notamment pour moi, une certaine conception de la société, qui n'est ni la conception voulue par la gauche de lutte des classes, d'affrontement systématique, ni la société voulue par les ultralibéraux, par les libéraux. C'est une société qui trouve un chemin médian. C'était l'actionnariat capital-travail, c'est l'intéressement, c'est la participation, c'est l'effort qu'il faut mettre sur la formation professionnelle. C'est refuser cet antagonisme entre deux idéologies qui sont complètement et l'une et l'autre dépassées. Alors vous parliez à l'instant de Lionel Jospin, vous avez une entrevue avec votre successeur, Laurent Fabius, et vous omettez de parler de Lionel Jospin. Vous ne lui en parlez pas. Oui, exprès. Pourquoi? Mais parce que leurs relations sont très mauvaises et que je voulais lui laisser la possibilité de me dire, il manque un membre, vous ne m'avez pas donné... Ouais, mais il le fait. Lequel? Ah, Lionel Jospin. Et à ce moment-là, ça me permettait d'être en position de force. C'est lui qui est demandeur. Stratégie, donc. Ben oui, mais je fais un peu m'arriver. Christophe Bourdon. Non, c'est par rapport aux gaullistes. Je me disais, bah, Ribéry aussi s'est déclaré gaulliste. Qui ça? Ribéry. Ribéry, on n'est rien. Oui, mais il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez. Vous revenez notamment sur d'autres, d'autres histoires. Rachida Dati à Doha. Alors ça, c'est... Oui, mais vous savez... Elle vous énerve. Non, c'est une femme qui est intelligente, mais quand vous arrivez au pouvoir, et quand vous êtes le symbole du pouvoir, vous pensez que tout vous est permis. Et j'arrive là, et je vois l'ambassadeur de France qui me dit, mais pff, c'est terrible, j'en peux plus. Demandez quoi, qu'est-ce qui se passe, ouais. Monsieur l'ambassadeur? La ministre de la Justice, il est 23h, veut un coiffeur. Et donc je suis allé la voir, je dis, tu fermes ta gueule, tu vas te coucher, puis tu prends un coiffeur demain matin, ouais. Arrêtons. Pas facile pour qu'elle la ferme apparemment, elle. Moi, elle me dit rien. Mais non, mais, tu sais, c'est pas Giscard qui vous demande un coiffeur. Vous savez, un jour, je peux raconter une petite histoire. Oui. Je suis très détaché de la politique. Un jour, je descends le grand escalier de l'hôtel Matignon, de la résidence du Premier ministre, avec Alain Juppé. Alain Juppé est Premier ministre. Moi, je suis ministre de l'Intérieur. Et je dis à Alain Juppé, quelle est la différence entre toi et moi? Alors, Alain Juppé, je sais pas... Déjà, le coiffeur. Je sais pas, oui. Je dis, mais moi, j'ai des cheveux, toi, t'as un pas. Non, c'est pas ça. Et je dis, toi, tu descends le grand escalier de Matignon, majestueusement, en tant que Premier ministre. Moi, j'ai fait ce que personne ne fera, je l'ai fait sur la rampe. Et ça vous détache, au-delà de l'anecdote, oui. Ça vous détache de la politique. Autre anecdote, un jour, j'arrive à la maison, il y a plein de bonbons, plein de fleurs, le téléphone sonne. Je m'adresse à ma mère, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père est Premier ministre. Ah, bonheur, je me goinfre de chocolat, de bonbons. 3 ans plus tard, j'arrive à la maison, plus de bonbons, plus de fleurs, plus de téléphone, plus personne. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est plus rien. Ah ouais. Et ça, si vous voulez, ces deux choses m'ont profondément marqué. Mmh. D'abord, le fait que vous êtes regardé, vous êtes entouré, vous êtes respecté, parce que vous êtes au pouvoir. Mmh. Le jour où vous ne l'êtes plus, c'est fini. Et c'est ce que j'ai vécu avec Chirac. Et si je l'accompagne, j'étais fasciné de voir cet homme qui, pendant 40 ans, a dominé la politique française, a fait des générations d'hommes, de femmes politiques. Et un jour, il part. Et un jour, Bernadette Chirac ne vous invite pas à son anniversaire. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Mais si vous voyez, le jour où il part, le téléphone ne sonne plus. Prenez-en la graine, Walid. Ouais. La solitude du pouvoir. Bah ouais. Profitez-en. Ouais. Ça, c'est très important. Et puis. Et puis la dernière phrase que je vais vous citer, dernier exemple. Je deviens ministre de l'Intérieur et mon père, qui allait mourir quelques mois plus tard, me fait venir. Ça va rejoindre l'épisode de Rachida Dati. Mmh. Il me fait venir. Et dans un effort énorme de quelqu'un qui va mourir, il me dit, tu vas devenir ministre de l'Intérieur. Personne ne le savait, Chirac le lui avait dit. Tu vas retenir une chose. Tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. C'est pas faux. Quelle vraie chose de la vie. Si bien que c'est pas parce que vous avez une fonction, Walid, c'est pas parce que vous êtes là qu'il faut imposer aux autres. Je n'impose rien, vous savez, aux autres. Vous savez pas comment je suis. Et il faut quand même dire qu'en Belgique, contrairement à la France, on peut être ministre plus longtemps qu'ancien ministre. Parce que chez nous, on en a qui sont là depuis très longtemps. Mais si vous voyez, c'est de la philosophie qui dit, tu as une fonction, tu restes ce que tu es. Et... tu ne demandes pas un coiffeur à 11h parce que tu as envie de te faire couper les cheveux. Ah, non. Et vous revenez aussi nombreuses discussions que vous avez avec Jacques Chirac. Jacques Chirac qui se pose une question en voyant Giscard d'Estaing. Il vous souffle à l'oreille. Tiens, je pense qu'il s'est vraiment... il est vraiment sorti avec Diana. Ah, je vois. Il a envie de lui poser la question. Je vois arriver un matin au Conseil constitutionnel Chirac avec un petit sourire. Là, c'est très mauvais signe. Et il me dit, dis-moi, t'es au courant? Je suis au courant de quoi? Il paraît qu'il a eu une relation avec la princesse anglaise. Je lui dis, alors, je vais l'interroger. Mais non, tant pis pour la princesse. Il a pris plus de 5 minutes. Je me mets en colère. Je me mets en colère, je dis, pas question, Conseil constitutionnel, il y a une séance sérieuse, vous n'avez pas interrogé, c'est sa vie privée. Je t'aime bien, je ne pose pas la question. La séance se déroule. Il y a des auditrices à votre... On espère. Pardon, mesdames. Pardon, mesdames. Mais je mets des guillemets. Hein. La séance se déroule. Sérieux. Conseil constitutionnel, c'est sérieux. Hein, c'est pas comme ici. Et tout d'un coup, Chirac se rapproche de moi. Et il sait qu'il est un peu dur d'oreille. Donc il hausse le ton pour être bien entendu. Et il me dit, ah, dis-moi Jean-Louis, tu crois qu'il se l'est fait? Ah bah alors finalement c'est comme ici. Silence, silence absolu. Je découvre la solitude du pouvoir puisque mes huit camarades sont complètement couchés. Ouais. Je vois leur crâne qui bouge. Ça c'était Alain Juppé. Non, il n'est pas membre du conseil. Il faudrait que je vous fasse réviser. Ils sont là, et mes deux camarades de droite et de gauche ne bougent pas. C'est très très long. Ouais. Et à ce moment-là, Chirac me dit, dis-moi, j'ai dit une connerie. Je vous demande de vous arrêter. Mettez un peu votre casque, s'il y a quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose. Oui. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. Alors lui, vous en parlez aussi dans le bouquin, Balladur. Nous n'avons pas de très bonnes relations. Et vous savez quoi? Vous allez m'en parler juste après la pause. On va marquer une pause et on revient. Jean-Louis Debré, ce que je ne pouvais pas dire aux éditions Robert Laffont. Il va prendre du temps pour en parler et nous on prend du plaisir à vous écouter, Jean-Louis. Dans la suite, on s'intéresse également à l'actualité. Avec, mais vous pouvez parler de mon livre aussi. Hein. Oui. On fait ça depuis tout à l'heure. Bah non, vous racontez des conneries. C'est et vous savez que c'est vous qui parlez depuis au moins 15 minutes maintenant. Bah ouais, parce que c'est votre métier. On m'a dit que vous aviez mal à la gorge. Jean-Louis Debré, presque sérieux. Et dans la suite, tiens, vous avez suivi l'épisode des Enfoirés, Jean-Jacques Goldman qui arrête les Enfoirés? Non. Vous n'avez pas suivi cette histoire? Non, mais me fusillez pas comme ça du regard. Non. Non? Non. Mais on va en parler dans la suite, tiens. Ben, ça me fait plaisir. À votre avis, si Coluche était en vie, est-ce que lui aurait chanté ce navet? C'est presque sérieux sur la première. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3 plus 1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Ah, Eric. Oh, je suis en retard. Monsieur Martin vient juste de partir, c'est dommage. Hein. C'était un beau prospect pour toi, ça. Oh, j'ai un contrôle au NSS, je suis mal. Hein. Quoi, et Groupe S, t'es toujours pas affilié? Mais non. Mais enfin, un contrôle social, ça se prépare. Groupe S vérifie tout. Les paiements des cotisations, tout ce qui concerne les organismes sociaux, ils ont même une plateforme en ligne pour les comptables. Ok, d'accord. Je les appelle demain. Promis? Promis. Groupe S est le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Avec le La première Etias présente les 15 ans du BSF du 5 au 14 août avec Louise Attaque, Overphonic, Grand Georges, Abdal Malik, Saint-Germain, La Grande Sophie et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets bsf.be avec la Loterie Nationale. Les matous exigeants, les toutous gourmands, tout le monde est content. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Sony, la famille, c'est le plus important. J'essaie. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa. Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. La première, Mobile Info. 17h22, Adrien Demey, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, toujours un accident signalé sur le 42 entre Namur et Liège. C'est à hauteur de Bierzé que la bande de gauche et la voie centrale sont neutralisées. L'accident est au kilomètre 2, donc un peu avant l'échangeur de Loncin. Et cela engendre des files à partir de Flémalle. Vous perdez une quinzaine de minutes sur ce tronçon ralenti. C'est en direction de Liège. Sur le 40 entre Liège et Aix-la-Chapelle, à hauteur de Barchon, il y a un accident qui entrave la bande de gauche au kilomètre 99.6. C'est en direction de l'Allemagne. Ça ralentit sur l'autoroute A54 dans le sens Charleroi vers Nivelles. Le chantier à Petit-Reux en amont, ça ralentit depuis Lutre. Comptez environ 25 minutes perdues sur ce tronçon. C'est en direction donc de Nivelles. Ça ralentit d'ailleurs au niveau d'autres chantiers en Wallonie de manière plutôt habituelle. Et puis sur le ring de Bruxelles, pointons le retard le plus conséquent. Environ 25 minutes supplémentaires. C'est entre le carrefour Léonard et Zaventem. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Jean-Louis Debray, presque sérieux, c'est notre invité du jour. Ce que je ne pouvais pas dire, un ouvrage aux éditions Robert Laffont que je ne serais que vous conseiller tellement il est fourni de petites anecdotes, de commentaires, de souvenirs, de coups tordus de Sarkozy, d'affection pour Chirac, de caprices de Giscard ou encore de confessions et confidences de Juppé. On parlait il y a quelques minutes de Balladur. Vous nous disiez en off, vous attardez pas sur Balladur, plus personne ne sait qui c'est. Je trouvais ça génial. Bravo pour votre respect du off. Ah ben, je peux tout dire, je suis chez moi. On va s'intéresser à l'actualité et vous êtes passé donc à côté des enfoirés. Les enfoirés et Jean-Jacques Goldman qui arrêtent. Et on a appris que c'est donc Michael Youn, Laurie et Benabar qui vont prendre la relève de Jean-Jacques Goldman et donc préparer le prochain spectacle des enfoirés, n'est-ce pas, mon cher Pierre Charest? Mais oui, il y a quelques semaines donc on apprenait effectivement le départ de Jean-Jacques Goldman des enfoirés. Une nouvelle qui a d'ailleurs immédiatement plongé notre collègue Élodie de Sélis, plus grande fan connue en 2016, JJG, sous respiration artificielle. Au point que pour le moment, l'émission d'archives d'Élodie de Sélis, la télé de A à Z, n'est pas animée par Élodie de Sélis, mais par une archive d'Élodie de Sélis. Et tes spectateurs n'y verraient que du vent. En même temps, c'est normal. Qu'est-ce qui ressemble plus à une Élodie de Sélis qui présente la lettre B comme bêtisier qu'une vieille Élodie de Sélis qui présente la lettre B comme bêtisier, faut le dire. Bref, Jean-Jacques Goldman quitte, mais évidemment. Bref, Jean-Jacques Goldman quitte les Enfoirés. Hier, on a donc appris que c'était Michael Youn, Laurie, Benabar qui prendront sa relève pour préparer le prochain show des Enfoirés. Vous rendez compte, Michael Youn, Laurie, Benabar. Une info qui a fait dire à certains que si Coluche n'était pas mort, il se serait sûrement jeté sous un camion. Parmi les critiques, j'entends aussi dire que décidément, Michael Youn, Laurie et Benabar ne savent plus quoi faire pour exister. Vous savez, ils ne savent plus quoi faire pour exister. Personnellement, je dirais que dans son état actuel, c'est plutôt Coluche qui ne sait pas plus quoi faire pour exister. Pourtant, moi, au risque de vous surprendre, moi, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans ce casting. Demander à Michael Youn de reprendre la troupe des Enfoirés alors qu'il a chanté comme des connards, bah, ça se tient. Demander à Benabar de préparer le spectacle en faveur donc, d'une association qui, je vous le rappelle, s'occupe de distribuer des repas quand on a chanté le dîner, bon, ça se tient. Et demander à Laurie de s'occuper du spectacle des Restos du cœur, alors qu'elle a chanté « Moi, j'ai besoin d'amour, de bisous, de câlins tous les jours », bah même si l'on veut tous les jours, bon, ça se tient. Et je vais vous dire, j'espère même qu'on va laisser à Laurie toute la liberté artistique pour la mise en scène, les chorégraphies, qu'on va pas la brider, la cantonner, parce que je pense que ce serait dommage de voir Laurie cantonner. Ah oui, festival. C'est pour moi. Finalement, ma seule inquiétude avec ce casting, c'est qu'on va confier la mission de vendre des CD et des DVD du spectacle à 18 euros à des gens dont les derniers albums vendus l'ont été à une époque où on comptait en francs. Alors oui, quand on dit souvent des enfoirés que Coluche doit se retourner dans sa tombe, hein, vous savez. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Pour une simple raison pratique, c'est que quand on est mort écrasé par un camion, j'imagine qu'une fois qu'on est dans son cercueil, on évite les mouvements trop brusques, on évite de faire le foufou. Si Coluche dans sa tombe n'arrive ne serait-ce qu'à bouger le petit doigt, on pourrait déjà s'estimer heureux. D'ailleurs, on raconte que quand on a retrouvé son corps, on a beaucoup hésité à rebaptiser son association Les Restes du Cœur. Non. Notre invité a tout trait. Il a quitté le studio. Bon, c'est vrai, quand on voit les enfoirés aujourd'hui, on regrette tous Coluche, hein, je pense. Ouais. Coluche qui est parti trop vite. 60 km/h exactement. Oh non. Oui, mais d'après se décompose. Pourtant, il en a connu des blagues pourries avec Jacques Chirac. Bon, franchement, à quoi ça tient le destin? Par exemple, parfois, je me dis que si Coluche avait prêté sa moto à Renault, ça aurait tout changé. On aurait eu droit au bistrot du cœur. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir soif, ni d'avoir soif. Ouais. Et s'il avait prêté sa moto à Rocco Siffredi, non seulement la moto aurait eu deux béquilles, plus les restes du cœur, ce serait sans doute appelé les restes du cul. Et je peux vous dire, restez sur cette vanne. Il y aurait eu la queue. Bonne chute. Très bonne chute. Et sans doute que la chanson des Enfoirés ressemblerait plutôt à ceci. Oh non. Jean-Louis Debré, notre invité presque sérieux, ce que je ne pouvais pas dire, c'est pour moi un des ouvrages qu'il faut absolument avoir et absolument lire. Vous prévoyez de partir en vacances, et eh bien prenez-le avec vous. C'est signé Jean-Louis Debré aux éditions Robert Laffont. Le presque mot de la fin vous revient, Jean-Louis Debré. Eh bien, à bientôt. C'est vrai, parce qu'on a parlé en off que je souhaitais vous engager. Écoutez, je trouve ça très sympathique. Vous déconnez complètement. Que c'est bon. Au-delà de tout. J'éviterai juste de faire ma chronique avec vous la prochaine fois. Attends, on vit dans un monde terrible où tout le monde est angoissé, on a peur, et qu'il y ait un petit moment de ciel bleu où on peut être complètement débloqué, complètement dire n'importe quoi. Naturellement, on ne se prend pas au sérieux. Ouais. Donc ne retenez pas ça contre nous, mais profitez-en. Ah, ça me fait plaisir. On est un petit nuage donc pour vous. On était votre petit nuage. Merci Jean-Louis Debré. Je vous invite vraiment à vous procurer ce que je ne pouvais pas dire aux éditions Robert Laffont. Merci Vincent Flibustier. Merci Gilles Dalle. Bon anniversaire encore, mon Gilou. Merci Jean-Louis Debré. Merci Pierre Charette, Raoul Reyes. Et merci Christophe Bourdon. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 16h pour terminer la semaine en beauté avec vous. Rendez-vous dans quelques instants pour Soir Première avec un peu de retard. On s'en excuse. C'est Pierre-Yves Meugens qui vous informe. Au revoir. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4 euros de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze, bien acheté, bien mangé. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo.